À l'occasion de la Journée mondiale de la polio, le 28 octobre 2017, Angela Merkel a donné une interview sur le thème de la vaccination. Concernant les effets secondaires signalés par de nombreux critiques de la vaccination, Madame Merkel a déclaré : On peut dire que pour la grande majorité des gens, les vaccins sont bien tolérés. Et nous expliquons à ce sujet que les vaccins sont utiles. À l'opposé de Madame Merkel, le docteur André Braun, pédiatre à Leipzig, arrive à une conclusion totalement différente. Dans une interview avec Welt im Wandel.tv, un site de dévoilement sur YouTube, il rapporte que les enfants non vaccinés viennent en consultation beaucoup moins souvent que les enfants vaccinés. Oh, tu es de nouveau là, toi ? Eh bien, viens alors. Pour lui, la raison en est l'introduction de la vaccination dans un système immunitaire sain. Il considère que certains additifs vaccinaux, comme l'hydroxyde d'aluminium, sont nocifs pour les nerfs.